Salut à toutes, salut à tous, amis du podcast et amis d'Open By sur News FM, bienvenue dans ce petit bonus qui a pour objectif de creuser un sujet abordé dans l'émission que vous pouvez entendre tous les jeudis soirs à 20h. La question du jour, les journalistes sont-ils détestés ? Eh oui, la course à l'audience, les fake news, les clichés à outrance, le sensationnalisme, voire même pour certains des médias qui seraient télé-Macron, les critiques contre les médias sont de plus en plus sévères. Et la défiance s'accroît, surtout venant de la jeunesse. D'après un sondage récent, près de 2/3 des moins de 25 ans ne feraient pas confiance aux informations données à la télévision. Et d'ailleurs, ils en pensent quoi, les jeunes journalistes ? Qu'est-ce qui les motive à travailler dans un contexte aussi tendu ? Sont-ils conscients des enjeux et des critiques qu'ils subissent ? Est-ce un métier d'avenir journaliste ? La réponse à toutes ces questions, et bien d'autres, dans le documentaire « Détesté » avec un point d'interrogation, produit par la société Tournez s'il vous plaît, en partenariat avec l'école supérieure de journalisme de Lille, 6 portraits de 6 jeunes journalistes de divers horizons qui vont être projetés dans des collèges et des lycées. Et ces portraits, ils ont été réalisés par une jeune journaliste qui est avec moi via Skype. Bonjour Joséphine Duteuil. Salut Amine. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Est-ce que, en quelques phrases, tu pourrais te présenter déjà ? Bah comme tu l'as dit, Joséphine, 24 ans, jeune journaliste, donc d'une certaine façon, je ressemble beaucoup aux jeunes que j'ai filmés. C'est-à-dire que, bah, comme eux, je suis dans la première phase de ma carrière et j'essaie de trouver une place dans ce milieu-là, en fait, avec les contraintes qui sont celles d'aujourd'hui et avec le climat de défiance, de confiance dégradée qu'on vit tous. Tu peux présenter un petit peu ton parcours ? Moi, j'ai fait le parcours... classique qui est un peu épinglé aujourd'hui quand on dit les journalistes ils viennent tous du même endroit, enfin ils ont tous fait les mêmes choses. Donc globalement, j'ai grandi en Dordogne dans un bled. Ensuite, je suis allée à Sciences Po à Bordeaux pendant 4 ans. Ensuite, je suis allée à l'ESJ Lille dans une école de journalistes reconnue par la profession. Et maintenant, je suis journaliste pigiste indépendante et je bosse notamment dans le documentaire À tourner s'il vous plaît, avec qui j'ai produit cette série. Très bien. Alors la question, tu la poses aux différents journalistes que tu interroges dans ces portraits. Alors permets-moi de te la poser, pourquoi est-ce que tu es devenue journaliste ? Bah figure-toi que c'était pas si simple en interview d'avoir des réponses courtes ou même des réponses claires de leur part quand je vais leur demander, parce que généralement la volonté de le faire est très très forte mais les raisons sont un peu confuses et elles évoluent. Moi je pense que comme beaucoup de gens, vu que ça m'est venu assez tôt, enfin on va dire au milieu de trucs évidemment, mais vers 9-10 ans, à la base je voulais juste écrire. Et d'ailleurs maintenant j'écris pas, donc tu vois... Je bosse en documentaire, donc finalement ça évolue, mais je pense que c'est un mélange de faire quelque chose de créatif, avoir une excuse pour faire quelque chose de créatif, mais avec que t'estimes pas nuisible pour la société, voire parfois un tout petit peu bénéfique, même s'il faut être super modeste là-dessus, sur l'impact. Voilà, alors, c'est marrant comme boulot, hein. Donc, on va pas se mentir, c'est marrant à faire. C'est marrant comme boulot, et puis on a l'impression, quand on regarde les portraits, que pour certains, ça leur est venu assez tôt. Par exemple, Majid, qu'on voit qui est à France Info, lui, dès le collège, il voulait faire, je crois qu'il le dit, hein, dès le collège, il en parlait à sa conseillère d'orientation, et il disait qu'il voulait faire ce métier-là de journaliste, et il n'a pas forcément été soutenu. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ouais, absolument. Bah, Majid, en fait, à la base, il voulait être, c'était très spécifique, il voulait être journaliste sportif parce qu'il voulait être comme Thierry Gilardi. C'était ça son plan, en fait. Pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Quand j'écoutais Thierry Gilardi et que j'étais jeune, j'avais 10 ans, je me disais j'ai envie de faire son taf. On prend exemple, parce qu'il te raconte, lui, il te raconte une histoire, c'est un match de foot, finalement. Et globalement, il a grandi à Gerland, dans un quartier, à Lyon, et il était en ZEP au collège, c'est ça qu'il raconte, jusqu'à la 5e. Donc quand il a exposé ça à sa conseillère d'orientation, elle lui a dit de faire autre chose, hein, tout simplement. Lui, il dit comme ça, bon, elle m'a tendu d'autres plaquettes, BTS Tourisme, etc. Moi, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça semblait... inenvisageable pour lui, vu d'où il venait, qu'il se lance vers ça. Elle lui a dit, c'est pas la peine, quoi. Et lui, bah, c'est exactement ce qu'il fallait lui dire pour qu'il s'acharne, en fait. Parce que ça, c'est son caractère, donc il l'a fait, effectivement. Et de manière générale, c'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons d'être découragé de commencer à le faire. Et c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir son témoignage, parce que je pense que ça peut quand même rassurer sur l'accès à ce boulot-là, même s'il faut trimer, ça, on va pas se le cacher. En dehors de ça, tu vois, t'as Majid. Mais il y en a d'autres hein, qui ont voulu commencer gamin. Je crois que Grégoire, il raconte plus pas dans le documentaire, mais il voulait faire ça à 6 ans. Il a créé le journal de son CP à l'école, tu vois, et t'as beaucoup de, d'ambitions précoces comme ça, quoi. Il y a aussi Guillaume qui était correspondant local dès le lycée, je crois. Absolument, il était à Cherbourg et puis il faisait ses petits comptes rendus de matchs de foot et ses petits articles de presse locale là-bas. Donc il a commencé très tôt, vers 15-16 ans. Alors, on va parler plus dans le détail de ces donc 6 modules, 6 portraits qui constituent le documentaire Détesté, point d'interrogation. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est construit le projet, déjà ? Le projet, il est venu de l'école de journalisme de Lille, en fait, qui a dit on organise un programme d'éducation aux médias, donc tout ça, c'est à destination des lycéens, lycéens des Hauts-de-France. On va organiser des interventions dans les classes, on veut avoir des supports, des choses à leur montrer. En fait, c'est parti de là. Ils ont fait appel à TSVP, ma société de production, et ils ont dit, écoutez, on voudrait des portraits de jeunes journalistes. Et puis après ça, ils nous ont laissé quasiment carte blanche. Donc nous, déjà, c'est génial de travailler avec autant de liberté et de l'espace pour bosser. Mais en dehors de ça, on s'est dit, comment aborder ça d'une manière qui puisse leur parler ? Il va falloir faire preuve d'une certaine franchise. Ouais. Sinon, tu te retrouves dans une espèce de vitrine lisse, ça va sonner faux et puis ça va parler à personne et surtout pas à des lycéens qui pour certains sont loin des médias traditionnels tels que nous on les conçoit quand on est à l'école de journalisme et qu'on est quand même dans quelque chose d'assez classique, un peu à l'ancienne. Fallait pas faire tout ça. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que ça sera plus intéressant de parler aussi de ce qui va pas. Alors du coup, on va reprendre un petit peu les portraits. Donc on l'a évoqué un petit peu pour commencer la conversation. On a Guillaume qui est reporter à BFM TV, Lorraine qui est journaliste pour le site reporter.net, Majid qu'on a évoqué aussi pour France Info, la chaîne de télévision du service public, la chaîne d'information, Grégoire du journal régional Lyon Républicaine, Aude qui est plus connue sous le nom de sa chaîne YouTube Aude What the Fake, et Jules de l'association Forbidden Stories qui est un collectif de journalistes qui poursuit les enquêtes de leurs collègues qui ont été malheureusement censurés ou assassinés. On voit que c'est un spectre qui est assez divers. Comment est-ce que ils ont été choisis, ces reporters, ces journalistes ? Comment est-ce que tu les as choisis ou comment est-ce qu'ils ont été choisis ? Ils sont tous détestés de manière complémentaire. Ça, c'était un des axes, ou en tout cas, leur rapport au public ou à certains confrères fait qu'ils sont obligés de réfléchir à cette question de confiance et cette question d'image, parce que ça les concerne directement. Et ça va être des facettes différentes. Tu vas avoir le cyberharcèlement pour Aude et des armées de trolls qui s'acharnent sur tes comptes. Tu vas avoir des versions très violentes de la détestation, c'est-à-dire essayer de tuer des journalistes et la censure. Puisqu'on a encore 80 journalistes par an environ qui sont tués chaque année dans le monde. Ouais. Et les chiffres n'ont pas évolué ces dernières années, ça c'est Jules. Tu vas avoir la version très actuelle de tout ça et celle dont on parle le plus probablement pour Guillaume qui est BFM, Gilets jaunes, on me cherche dans les manifs pour me taper et personne ne veut me répondre parce qu'on déteste mon média si je te caricature les choses. Donc il y avait ça. Ça c'était c'est une partie du casting, c'était l'angle et l'axe directeur de tout ça. Ensuite, il y a plein de choses quand tu choisis pour un documentaire, mais des trucs basiques. Des hommes, des femmes, des gens qui viennent de grandes villes, de grandes métropoles, des gens qui viennent des bleds, des origines sociales différentes, qu'ils aient fait des grandes écoles reconnues, et puis l'espèce de parcours cliché que j'ai fait, par exemple, d'autres qui ne l'aient pas fait, qui n'aient pas fait de grandes écoles. Tout ça, c'était important sociologiquement, d'une certaine façon, et puis pour donner une image différente de l'accès à la profession aux jeunes qui vont regarder, qui voient que c'est un peu plus varié que ce qu'on peut imaginer. Et ensuite, pour les six, qu'ils acceptent de se livrer. Parce qu'ils le font, et c'est très courageux de leur part, je trouve. C'est-à-dire qu'à la fois, ils acceptent de m'emmener au boulot. D'une certaine manière, quand ils ont un employeur, ils le représentent. Donc à la fois, ils essaient d'être sincères, tout en sachant que ça va être vu par leurs employeurs et leurs confrères. C'est quand même une posture particulière. Donc ils m'ont fait confiance là-dessus. En sachant que des fois, j'allais les faire chier avec des questions qui vont les mettre en difficulté. C'était le deal depuis le départ. Et ensuite, ils acceptent de se montrer aussi en tant que personne, et parfois dans l'intime. Et ça aussi, c'est quelque chose qui était un petit peu le contrat de départ, c'est-à-dire qu'ils étaient prévenus. Ça, c'est plus ou moins le cas selon les portraits, vous verrez si vous regardez, mais l'idée, c'était qu'il y ait une certaine liberté de ton dans la manière dont ils s'expriment, qu'ils me parlent comme à une personne de leur âge et pas comme à un enregistrement formel ou une interview formelle, et qu'ils acceptent de se montrer hors de leur façade professionnelle, et ça, je les remercie pour ça, parce que on peut se sentir un peu à poil, quoi. Tu disais que tu leur avais posé des questions difficiles. Quelles questions leur ont paru les plus difficiles, justement ? Quelles questions leur ont paru difficiles? Attends, laisse-moi réfléchir parce que finalement, on ne me l'a pas posé celle-là. Que je te dise pas de conneries. Bah, paradoxalement, pourquoi tu fais ça? Ou qu'est-ce qui te fait tenir dans ce boulot aujourd'hui? Sachant tout ce qui ne va pas, ça c'était difficile. Ouais. Pour Guillaume, ce qui était difficile, c'était pourquoi, par exemple, et ça il y répond, c'est dans ce qu'on a gardé dans le documentaire. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont BFM traite des violences? Comment tu te sens par rapport à ça? Ouais. Et pourquoi ils font ça, à ton avis? Et ça il répond, et on sent bien qu'il y a un point de tension assez énorme et que lui, ça lui pose problème. Je pense qu'il faut parler des violences, mais il faut pas en parler... Il faut pas faire que ça, en fait. C'est de donner trop d'importance à cette violence. C'est de la pornographie de la violence pour moi, en fait. Ça me dérange un peu. Si un jour, je sens que je fais trop de sacrifices, que je me perds un peu, j'arrêterai. C'est pas le cas pour l'instant. Des questions difficiles, parfois, c'était sur comment leur entourage voyait leur boulot. Parce que finalement, ils ne s'attendaient pas forcément à en parler, donc ils étaient émus. Ça, c'est le cas de Majid, par exemple. Alors, finalement, on a fait une projection, tu vois, sur les 6 films, là, il y a quelques semaines, et il a raconté à tout le monde, qu'il pensait, enfin, devant le public, qu'il ne pensait pas parler de son père comme ça, dans un docu. Et que c'était extrêmement déstabilisant, mais qu'il ne le regrettait pas. Mmh. Voilà quelques exemples. Moi, l'impression que j'ai eue en voyant Guillaume, du coup, qui couvre les manifestations de Gilets jaunes, qui se fait insulter. Déjà, comment ça s'est passé pour le suivre, Guillaume? Est-ce que vous avez, toi aussi, t'as subi des insultes? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, donc on était deux. Je suis partie avec un autre Guillaume qui était mon caméraman ce jour-là. Ouais. Et donc on les a suivis sur toute la journée sur la manif. Donc ça fait peut-être 6 heures en tout. C'était quel jour? C'était mars. C'était début mars. Mais en gros, c'était le lendemain, la semaine après une manif particulièrement violente où il y avait eu énormément de dégradations, et il me semble que c'était la semaine après le Fouquet saccagé. D'accord. Donc on était à un moment où c'était quand même très tendu, de manière générale. J'ai pas été insultée parce que on filmait avec un matériel qui est différent de celui des grandes chaînes et des chaînes de news. C'est-à-dire que tu vas, comme ils sont habitués, enfin, les gilets jaunes en partie, une partie des manifestants, à reconnaître ces équipes-là, ils voyaient qu'on n'était pas équipés de la même façon et qu'on tournait avec des sortes d'appareils photo, en fait. Donc ils étaient là, vous faites quoi, etc. Et assez vite, ils redescendaient, ils étaient moins agressifs. Par contre, ce que j'ai vécu, c'est de manière systématique, c'est dès qu'ils te voient en train de filmer, ils viennent te voir, ils veulent savoir, c'est pas forcément très cordial. Et souvent, ils t'empêchent de filmer. Malgré tout. Moi, dès que je leur disais c'est un documentaire, ils disaient « Ah, mais vous, ça va. Mais les autres journalistes, ça va, c'est pas possible. » Et là, ouais, les insultes, ça repartait. Et ça, on en a vu énormément. Je peux pas mettre mon visage comme je le fais habituellement devant la caméra. Parce que sinon, ils me reconnaissent et ils me cherchent. Parce qu'ils nous cherchent, les mecs, dans les manifs. Donc, on met des petits micros sans fil, hyper discrets, noirs, ici. Et on le voit d'ailleurs pendant la manifestation, il y a des fois où je fais semblant d'être au téléphone pour pas avoir à parler tout seul dans la rue. L'ambiance est plutôt bonne dans ce cortège parisien qui défile bientôt maintenant depuis une heure et qui se dirige donc vers Montmartre, arrivée prévue aux alentours de 17h30. D'accord, donc finalement, après Guillaume, il se retrouve dans ses cortèges, enfin dans ses manifestations, date détention, il se fait insulter parce que du coup les gilets jaunes arrivaient à reconnaître Guillaume, même s'il se cachait, même s'il n'était pas identifié comme étant journaliste de chaîne d'information. Ils ont des techniques pour être très discrets. Tu vois, là, par exemple, il s'est retrouvé pris à partie quelques fois, mais il part immédiatement, il change d'endroit. Ce qui se passe, par exemple, c'est que le journaliste et son caméraman ne sont plus côte à côte. Tu vois, ce qui est raconté dans le documentaire, c'est qu'il n'apparaît plus à l'écran, mais en plus de ça, maintenant, il travaille à quelques mètres de distance pour ne pas former un groupe et pour ne pas être associé l'un à l'autre, parce que c'est un peu moins risqué. Ils ont des agents de protection rapprochés qui sont avec eux, un chacun, qui regardent autour d'eux pendant qu'ils bossent pour leur dire de courir si quelqu'un essaie de les taper, en gros. Et moi, ce que j'ai vu plusieurs fois sur cette journée-là, c'était des gens qui venaient directement le voir en lui disant « Écoute, tu bosses pour qui ? Tu bosses pour BFM ?» Et il était obligé de leur mentir. C'est devenu dur assez rapidement de bosser avec eux parce que on peut plus dire pour qui on travaille. Quand quelqu'un vient nous demander « Bonjour, vous travaillez pour BFM TV ?» Non. BFM, cassez-vous aussi, on veut pas de vous ! Le moment le plus frappant, c'était probablement donc cette interaction-là qui se passe, qui s'est répétée plein de fois. Mais là, le gars lui dit, bah écoute, c'est étrange parce que là, regarde, je suis sur le live de BFM, donc il sort son téléphone, effectivement, il suivait l'antenne. Et l'angle de la caméra, bah, c'est exactement là. En fait, tu vois, là on est là, et ben ça donne sur le même endroit. Donc, t'es sûr c'est pas toi hein, et tout. Et donc le mec lui dit non, moi ma caméra est éteinte. Enfin bref, panique. et ça paraît presque cocasse, mais pour eux c'est extrêmement compliqué. Et c'est pas et personne aspire à travailler dans ces conditions là quoi. Et ça pose un problème fondamental parce que si tu peux pas donner le droit de réponse et enfin donner la parole à tout le monde dans un débat, et là c'est le cas, il peut pas interroger les gilets jaunes. Ben, tu leur laisses pas l'occasion de se défendre d'une certaine façon. Ouais. Donc déjà c'est très partial. Donc ça pose un problème de base à n'importe qui. Dès que t'as un peu de déontologie, c'est problématique. Les gilets jaunes lambda entre guillemets, non ils parlent pas à BFM TV, c'est certain. Bah ça m'embête parce que c'est mon rôle de donner la parole à tout le monde. J'interviewe des gendarmes mobiles, des CRS et des gilets jaunes. Le problème c'est que la parole des gilets jaunes du coup elle est inaudible sur notre chaîne. Inaudible. Et là, typiquement, quand on voit Guillaume qui couvre les manifestations de Gilets jaunes et qui, pour BFM TV, doit parfois faire 4 directs en une demi-heure, est-ce que, selon toi, ils ne sont pas aussi parfois poussés à la faute par cette cadence-là ? Ah, ça, c'est un débat compliqué. Je suis pas sûre de pouvoir le trancher pour toi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que bah, le fait d'augmenter les cadences, mais dans n'importe quel boulot, elle augmente la probabilité de faire des erreurs, a priori, et donc le risque. Après, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand il passe 4 fois en 20 minutes et qu'en même temps, il est en train de courir dans la manif parce qu'il y a des lacrymos, parce qu'effectivement, ouais. C'est ça qui se passait à ce moment-là, j'étais avec lui. Globalement le direct change pas énormément, tu vois, ils vont répéter le texte qui n'est pas écrit, mais globalement le propos est presque le même, donc tu actualises le même propos, là tu peux pas te permettre de réécrire, de broder, etc. Donc il y a ça. Il faut aussi prendre en compte le fait que au bout de quelques années à faire ce taf, c'est des machines les gars quoi, ils sont capables de dégainer assez rapidement et puis d'improviser sans dire trop de conneries, mais ça augmente le risque et c'est ça qu'ils disent. Bon, déjà, c'est pas hyper créatif parce que tu fais au plus simple, parce que t'as pas le temps, dans ce contexte étendu-là, t'as pas le temps de chercher à mieux dire ou à dire plus, etc. Mais surtout, bah, t'as quand même peur de faire une erreur. Et ça, c'est. Ce qu'il dit, c'est que tu peux pas abolir cette peur-là, en fait. Donc, t'as plein de mécanismes professionnels pour que le risque soit le plus restreint possible, mais tu peux pas totalement le supprimer. Et à ton avis, donc dans ce contexte-là, la critique des gilets jaunes, pour le ressenti de Guillaume, donc qui travaille à BFM TV, selon lui, pourquoi est-ce que il y a ce manque de confiance ? Pourquoi est-ce qu'il est détesté avec beaucoup de guillemets ? C'est dû à quoi ? Est-ce qu'il l'analyse ? Comment est-ce qu'il le comprend lui de ce que tu as pu voir dans les Il faut que je sois j'ai un peu de précaution dans ma réponse parce que le mieux, pas parler pour lui, c'est pas l'idée. En fait, quand tu l'as interrogé, comment est-ce que tu as perçu ça, la raison de cette détestation? C'est vrai que ça, tout ça, c'est beaucoup de préparation et plus de 2 heures d'interview dont on garde que quelques phrases forcément puisque les portraits font à peu près 9 minutes chacun. Ce que je peux te dire probablement, en espérant rester fidèle à son analyse à lui, c'est que notamment sur les tout derniers mois, les dernières années, sur les chaînes d'infos en continu, tu as eu une tendance à traiter les mouvements sociaux par l'angle des dégâts, l'angle sécuritaire et l'angle de la violence, qui a été excessif. Donc ça, de fait, ça alimente la défiance parce que tu parles pas du fond et que tu es sur un mode qui est quand même proche de celui de la peur quoi, et de l'intimidation. Ça, c'est vraiment un argument qu'il a utilisé. Je pense que lui, une chose qu'il peut te dire aussi, c'est que... Et en fait, c'est un argument qui est assez fréquent dans le débat, c'est qu'il y a une grosse distance entre ce que vont faire et dire les journalistes de terrain pour ces chaînes-là et ce qui va se dire en plateau, parfois, pas toujours, mais parfois. Et notamment, il y a un brouillage entre des journalistes en plateau et des éditorialistes qui parfois sont aussi journalistes, mais là, ils interviennent en tant qu'éditorialistes avec une fonction un peu différente et en donnant leur avis, et il y a une sorte de brouillage avec tout ça. Et parfois, en plateau, on s'emballe un peu sur ce qui est censé se passer sur le terrain sans y être. Et des fois, tu as un antagonisme entre l'analyse qui est faite par le reporter et ce qui se dit en commentaire en plateau derrière. Et ce qui va laisser, d'après lui, le plus d'impact sur le public, c'est ce qui va être martelé en plateau plutôt qu'un duplex de temps en temps. Donc ça crée de l'hostilité. Voilà deux arguments que je peux te donner qui m'a exprimé, ouais. D'accord, ok. Donc finalement, le journalisme de plateau qui entache ce qui lui arrive sur le terrain, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et en sachant qu'en plus, parfois, en fait, c'est pas exactement des journalistes ou c'est plus des journalistes. Mais il y a un brouillage. Et pour beaucoup de gens, quand on n'est pas un professionnel, on sait pas. Enfin, on se pose pas forcément en permanence la question de un tel ou un tel sur le plateau. Est-ce qu'il est journaliste ou pas exactement? Et donc, on finit par être assimilé aux commentateurs sur les plateaux alors qu'on ne fait pas exactement le même travail. D'accord. Voire pas du tout, selon les fois. Effectivement. Voilà. Alors, on va passer, on passe de BFM TV à toute autre chose. On va parler de Lorraine, qui est journaliste sur le site reporter.net, qui est un site à la ligne éditoriale orientée sur l'écologie. Est-ce qu'elle, contrairement à Guillaume, qui du coup se pose des questions par rapport à ça, est-ce qu'elle, elle n'est pas plus apaisée avec elle-même, elle n'est pas plus cohérente par rapport à son engagement écologique, on va dire. Est-ce qu'elle n'est pas plus apaisée? Ah, elle est certainement plus apaisée. Par contre, elle est moins apaisée avec le monde, je pense. Ouais. En général, parce que si tu vois, je pense que l'inconfort de sa position ou la révolte qui est en elle se passe sur deux plans à la fois. C'est que Lorraine, sachant qu'elle est spécialisée dans la couverture de la crise climatique et du changement climatique, oui. Elle est en permanence confrontée à des infos et des analyses qui sont négatives. Quasiment pour l'extrême majorité. En fait, elle, l'effondrement, elle l'a en face des yeux, qu'on y croit ou pas, mais en tout cas, elle a tous ces signes avant-coureurs d'une catastrophe dans les yeux en permanence. Elle écrit là-dessus, elle a creusé le sujet, elle sait que c'est vraiment sérieux et ça représente une grosse partie du temps qu'elle passe éveillée, c'est les yeux braqués là-dessus. Soleil, chaleur, absence de vent, et voilà le retour des épisodes de pollution à l'ozone. La pollution de l'air tue plus que ce que nous pensions. Oui, une étude parue aujourd'hui estime que cette pollution fait 8 800 000 morts par an dans le monde. La Terre a perdu 60% de ses animaux sauvages en à peine plus de 40 ans. À un moment, dans la pile de livres qu'elle a, il y a Pablo Servigne, il y a des livres sur l'effondrement qui arrive. Ah ben, t'as bien suivi, ça me fait plaisir. Effectivement, il y a un plan, un moment qui montre ça, et c'est pas du tout anecdotique. C'est-à-dire qu'elle dit d'ailleurs à un moment, moi parfois j'en peux plus de regarder le monde qui s'effondre. Et quand on est, je pense que quand on est, on dit encore spécialisé dans l'environnement, mais en fait c'est un thème très large parce que ça impacte un peu tout. Mais quand on est spécialisé là-dedans, on est face à des nouvelles catastrophiques. Et c'est dur de les relativiser en se disant c'est pas si grave, parce qu'a priori c'est quand même très très grave pour tout le monde, quoi. Oui. Donc ça c'est un problème. Et le deuxième plan, c'est que... Elle travaille pour un site, donc Reporter, je ne sais pas à quel point ça parle à tout le monde, mais en fait c'est un site donc, qui traite de l'actu environnementale avec un angle assumé anticapitaliste, antinéolibéral. On fait du journalisme politique d'une certaine manière, ce qui ne veut pas dire du journalisme partisan, ce qui ne veut pas dire du journalisme militant, mais on fait un journalisme engagé. On considère à Reporter que... La cause principale de la crise écologique, c'est le modèle économique, le modèle de production, le modèle de consommation dans lesquels on est. Et donc du coup, peut-être qu'on peut dire d'une certaine manière qu'on a une ligne éditoriale anticapitaliste ou anti-néolibérale. Donc, de ce fait, elle est révoltée par une grande partie de comment le monde fonctionne en termes politiques et économiques. Et ça la met également en porte-à-faux avec ses collègues, une partie de ses confrères, je veux dire, parce que c'est un angle qui est un angle de traitement qui est vu comme radical par une partie de la profession. Donc tu vois, Lorraine, elle est apaisée parce qu'elle est raccord avec ses valeurs, mais en dehors de tout ça, il y a énormément de conflictualité dans sa vie et dans son boulot en général, quoi. Oui, et justement, pour revenir sur le deuxième point, il y a un moment dans le documentaire aussi où elle est... c'est pas elle, je crois que c'est une de ses collègues journalistes. C'est une de ses collègues, ouais. Qui dit justement qu'elle est frustrée parce qu'ils sont étiquetés de gauche par des gens qui sont censés être neutres, mais qui ont peut-être aussi un biais idéologique de droite. Et on va pas dire, par exemple, les échos, on va pas forcément dire ce sont des libéraux, alors qu'eux, on va dire, c'est des gens de gauche. Absolument, absolument. Et on va même dire c'est des gens de gauche et c'est des militants, donc c'est pas des journalistes. Et tout ça est peut-être un peu rapide. Et surtout, Tout ça est peut-être un peu partial dans le sens où effectivement c'est un raccourci qu'on a tendance à faire pour des journalistes plutôt de gauche et qu'on fait moins pour des journalistes plutôt de droite, même si ça arrive, mais c'est plus rare. Et en fait, moi, de manière générale, je trouvais que c'était quasiment indispensable à un moment de la série de parler du positionnement du journalisme, en fait. Est-ce que la neutralité, l'objectivité, je mets des guillemets, ça existe vraiment? Parce que ça, c'est quelque chose qui te préoccupe quand tu abordes le métier et quand tu l'apprends. Et c'est un questionnement fréquent quand tu bosses. Mais je pense que aujourd'hui, encore plus qu'à 20-30 ans, du fait notamment de ces questions de défiance, etc., on ne peut pas faire l'économie de réfléchir à est-ce que ça existe un journaliste neutre? Et là, comme l'idée, c'était de poser des... aussi quand même d'être un peu pédagogique et de poser des notions pour des ados, pour créer des débats potentiels dans les classes. Cette question de la neutralité, je pense qu'il faut absolument parler. En fait, ce que Lorraine dit, c'est aucun journaliste n'est neutre, ça n'est pas possible. Parce que tous les journalistes parlent de quelque part, c'est-à-dire qu'ils sont socialement situés, ils ont eu le parcours qu'ils ont eu, ils sont politiquement situés souvent, et ils ont des médias qui ont des lignes éditoriales. Et une ligne éditoriale, c'est forcément partial. Donc, elle, le bout de son raisonnement, c'est si on veut être honnête en tant que journaliste, il faut être très clair sur sa ligne éditoriale et vraiment l'exprimer ouvertement pour que le public puisse savoir à qui il a affaire. Donc, l'honnêteté, être un bon journaliste, c'est dire qui on est. C'est ce qu'eux, ils font. Donc, elle considère que, d'une certaine façon, ils ont plus d'éthique professionnelle que des journalistes qui ne vont pas spécifier quel type de médias... pour quel type de médias ils travaillent. Et justement, le parcours de Lorraine, est-ce qu'il ne fait pas un contraste? Est-ce qu'il ne s'inscrit pas à contrario avec celui de Majid, qui, on le rappelle, est sur France Info, la chaîne du service public? Est-ce que justement, il n'y a pas un contraste entre les deux? Il y a clairement un contraste. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une contradiction et que c'est contradictoire, mais il y a un contraste, mais qui se retrouve quand même aussi dans le traitement. C'est-à-dire que, là, je te dis tout ça sur la ligne éditoriale. Bien sûr, bien sûr. Reporters, ils ont quand même une ligne qui est plus affirmée que d'autres médias. Enfin, tu peux... comment dire? Tu peux être un média... qui n'est pas objectif parce que ça n'existe pas, mais aspirer à une certaine neutralité ou tendre vers ça, essayer de tendre vers ça. Et reporters, c'est pas ce qu'ils font parce que c'est pas ça qui les intéresse. Donc eux, ils revendiquent d'être plutôt du côté des militants que du côté des lobbies, du côté de l'État. Donc ils vont leur donner plus de place, par exemple, mais en donnant des droits de réponse réels à ceux qui sont dans l'autre camp, si tu veux. Et France Info, sur les mêmes sujets, ils essaieraient d'être plus équilibrés, par exemple, dans la place qu'ils donnent à tout le monde, probablement, si je peux prendre ce genre d'exemple. Ils aspirent à un traitement peut-être plus pluraliste, et c'est ça que Majid essaie de dire, mais après, je pense qu'au fond, ils ont quand même une conception de l'objectivité qui est un peu différente, et de toute façon, on ne peut pas aller complètement dans le détail avec 9 minutes par personnage, mais je pense qu'ils n'ont pas tous exactement la même conception du journalisme. Est-ce qu'ils ont un but commun, un enjeu commun, tous ces journalistes? Moi, j'ai une idée de la réponse, mais je veux avoir ton avis d'abord. je pense que d'une certaine façon, ils ont tous un peu à cœur de réhabiliter leur profession, ou en tout cas, de la représenter du mieux qu'ils peuvent dans leur travail personnel quotidiennement. Ça, je pense que c'est le cas, et c'est pas pour rien qu'ils sont dans cette série-là et qu'ils répondent à cet angle-là. Mais comme ils sont confrontés à une forme d'hostilité, de défiance, etc., ils sont là un peu par idéal aussi, et où ils essaient, à leur petit niveau, de paraître le plus honnête, transparent, pro-droit possible. Ça, je pense que c'est le cas pour tous. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti aussi, vraiment cet enjeu de dire la vérité et la peur, ou la peur, peut-être le mot est un petit peu fort, mais en tout cas, la crainte de dire quelque chose de faux, d'inexact, surtout dans l'ère d'aujourd'hui. Est-ce que tu partages ce point de vue-là? Ah ouais, je pense qu'on le partage tous. De toute façon, c'est toujours une terreur. C'est peut-être un peu fort, mais c'est quasiment ça quand t'es journaliste de dire quelque chose de faux. Parce que ton boulot, c'est de pas le faire. Malgré tout, il n'y a pas de risque zéro, etc. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est encore plus flippant. Parce qu'il faut faire le tri, parce que des faits qu'il y en a partout, mais aussi parce que, et peut-être plus, en fait, parce qu'on est dans une relation à une partie de l'opinion qui est déjà tellement mauvaise que tu te dis, on ne peut pas se permettre de se planter toutes les deux semaines, quoi. Et enfin, à chaque fois qu'il y a une erreur qui est un petit peu... qui est analysée et exposée, enfin, tu as l'impression qu'on sombre encore plus, quoi. Donc, il faut être d'autant plus vigilant. Et nous, ça donne un peu l'impression qu'il y a une pente à remonter, je pense. Et pour lutter contre les fake news, il y a Aude Fabre de la chaîne Aude What the Fake. Je travaille sur ma chaîne YouTube que j'ai créée il y a 2 ans. Et donc je m'attaque aux fake news et à ceux qui les propagent via cette chaîne. T'as pas le droit d'affirmer quelque chose et de te barrer derrière en screen. Exiger la preuve. Parce que le plus simple et le plus logique, ce serait d'aller à la source du fake. Petit coup de fil, bam. Je vous appelle en fait pour savoir s'il y a une jeune femme qui se serait noyée chez vous. Une infirmière qui aurait échangé à elle seule 9000 bébés. La plus grande réalisation néolithique de France. Qu'est-ce qui la motive, elle, à travailler sur YouTube et pas pour des grands médias? Bah, c'est... finalement, elle a travaillé dans des grands médias. Voilà, elle a travaillé dans des grands médias, elle a travaillé en chaîne d'infos en continu, du temps du télé, et elle a travaillé dans le documentaire pour des sociétés de production qui bossaient pour les grandes chaînes de télévision. Donc elle connaît tout ça. Maintenant, elle s'est un petit peu retrouvée indirectement rediffusée par des grands médias, donc si tu veux. Mais ça, finalement, elle y revient un petit peu, mais elle est partie sur YouTube. Elle, en tout cas, l'histoire, elle la raconte comme ça. Oui. Après Charlie, donc elle a vécu d'assez près l'attentat de Charlie parce que c'était des bureaux pas loin des siens, hein, il me semble, ou en tout cas des gens qu'elle connaissait. Après l'attentat de Charlie, elle a fait le constat que la situation était extrêmement dégradée, qu'il y avait de plus en plus de fake news et que non seulement il fallait se concentrer là-dessus plus qu'on le faisait, c'est-à-dire le débunkage, le fait d'enquêter sur certains sites, sur certains faux comptes, etc. C'était peut-être pas assez fait par les médias français et il y avait un vrai besoin. Et son autre constat, c'était c'est bien beau de le faire, mais si t'es regardé, écouté ou lu toujours par les mêmes personnes qui sont déjà convaincues, et qui ont encore confiance dans les médias traditionnels, ben, t'atteins pas vraiment ton objectif, en fait. Parce que si le but, c'était de faire un petit peu le tri dans l'information pour des gens qui avaient plus confiance, ben, c'est pas en allant sur les médias traditionnels dans lesquels ils croient plus que tu vas les rassurer. Donc, en fait, l'idée pour elle, c'était, si je crée ma chaîne YouTube, je vais toucher un autre public. Même des mini fake news, ça paraît rien, mais c'est grave. Parce que cette espèce de paranoïa, en fait, mini-paranoïa qui peut s'installer en regardant beaucoup, etc., ben je pense pas que ça part. Et donc, en fait, c'est aussi ça. La conséquence des fake news, c'est que tu ne fais plus confiance à personne. Voilà, même des mini-fake news, même des petites erreurs, des petites approximations, créent de la paranoïa, créent de la méfiance. Ça crée un brouillage permanent, en fait. C'est-à-dire que plus rien n'est vrai. Donc, il n'y a plus de standards et il n'y a plus de vérité du tout. Et elle pense quand même, et on est beaucoup à le penser dans ce boulot-là, qu'il y a plein de vérités, mais il y a quand même des manières de... Il y a quand même des choses qui sont vraies et des choses qui ne le sont pas, quoi. Alors, moi, Aude What the Fake, je la connaissais... Enfin, j'avais entendu parler d'elle au moment où il y a eu une polémique sur le Lama Fâché. Absolument. Elle a été très critiquée. Alors, elle a été très critiquée pour une partie de son enquête sur cette chaîne YouTube qui est assez ténébreuse. Hein, ça ne change pas. Est-ce que, au moment où tu as réalisé le documentaire, est-ce que c'était dans le contexte là? Est-ce que ça a été tourné avant, après? C'est une excellente question. En fait, je vais te dire, je l'ai contactée juste avant. On est entré en contact juste avant et on a conclu de faire le documentaire juste avant. Donc l'idée, ça aurait été de suivre ça. Et en fait, ça a été un shitstorm tellement important que j'ai pas pu la suivre à ce moment-là. Alors shitstorm, hein, on peut expliquer, hein, ça a été déferlement de tempête. Voilà, et déferlement de trolls ou de critiques constructives d'ailleurs, parce qu'il y a eu tout. Et je veux absolument pas dire qu'elle a été... juste injustement attaquée et tout ça, c'est pas ça, mais ça a été d'une telle ampleur pour elle et compliqué professionnellement qu'on n'a pas pu traiter ça. Moi, ça m'aurait vraiment intéressé de la suivre là-dessus parce qu'on était à fond dans cette histoire de détestation et à fond dans ces questions de vérité. Ça n'a pas été possible pour des raisons matérielles, donc en fait, je l'ai suivie sur l'enquête juste après, la dernière de sa saison, le mois d'après. D'accord, et ça a pu l'affecter d'une certaine manière ou ça a pu influencer ce qu'elle a dit? Bien sûr, mais alors, encore une fois, c'est pas possible, ils peuvent pas être tous là avec nous sur Skype aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. J'espère qu'elle te réponde. Comment je peux être prudente à nouveau? Ça l'a énormément affecté. Bien sûr, parenthèse, ça t'affecte émotionnellement, nerveusement, ça t'ébranle a priori quand t'as pas l'habitude d'être pris à partie comme ça dans cette ampleur-là. Mais en dehors de ça, ça l'a confortée dans l'idée qu'il fallait qu'elle continue et qu'il fallait qu'elle soit toujours plus rigoureuse, qu'elle travaille plus, etc. et qu'il fallait pas lâcher le truc et qu'il fallait solidifier tout ça. Oui, je m'expose beaucoup. Mais là, c'est m'exposer pour une bonne cause. Et en plus, tu sais que tu peux apporter quelque chose, donc je le fais. En fait, le journaliste, c'est quelque chose de précieux. Et il y a une fierté à le faire. Alors, ouais. Aude, elle travaille sur Internet, YouTube, et bien plus proche de la province, on va dire, il y a Grégoire qui travaille pour Lyon Républicaine à Auxerre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est parti, je crois que c'est qu'il est parti étudier à Columbia, à New York. Ouais, c'est ça. Et il se retrouve à Auxerre. Ouais, en fait, Grégoire, avant ça, il avait tout bien fait. Il avait fait Sciences Po Paris, il avait fait l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Donc, quand t'es dans le milieu, c'est un des trucs les plus cotés, en fait. Et puis, c'est prestigieux, quoi. Et puis, après ça, il est parti, effectivement, à New York faire, on peut dire, quasiment la meilleure école de journalisme du monde. Ou en tout cas, c'est quelque chose de très... d'admirer et un peu légendaire, si tu veux. Après, il a bossé pour des grandes radios américaines. Enfin, voilà, il a tout bien fait. Il était à fond dans le truc de luxe, quoi. Et après ça, il est revenu en France. Et il s'est posé la question de ce qu'il allait faire et de ce qu'il voulait faire. Et il s'est dit, je vais partir en presse locale. Et il est parti à Auxerre, donc dans Lyon, où il connaît personne, sachant qu'il est de région parisienne. Donc, il est parti à Auxerre parce que lui, son raisonnement, c'était... On a perdu, ça rejoint toujours le même point, tu vas voir, on a un peu perdu la confiance et le lien avec une partie du public et on ne peut pas complètement les en blâmer de moins nous croire ou nous écouter qu'avant. Mais comment est-ce qu'on regagne ça? Et pour lui, c'était retrouver le terrain et faire un boulot où tu es vraiment dans du contact permanent, quotidien avec les gens et où leur parole a beaucoup de place. Et donc lui, s'est dit, la presse locale, où tu sors tout le temps et tu es vraiment en contact avec un territoire, et dans un territoire qui n'est pas hyper représenté, et donc ce qui va un petit peu à contre-courant de suivre que l'actu parisienne, si je caricature, ou l'actu des grandes villes. Donc aller dans Lyon, et Lyon, ça ne parle pas à grand monde, mais ça devrait, ou en tout cas, ils ont autant besoin que les autres qu'on raconte ce qui se passe. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer vraiment que ces villes-là, il y a le centre-ville, on montre à un moment dans le reportage des centres-villes dont les commerces sont en train de fermer. Lui, le soir, il raconte qu'à un moment, il voulait sortir, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits à Auxerre. Après, c'était en février. Hein. Voilà, on va défendre Auxerre quand même. C'était l'hiver, et il faisait froid, c'était peut-être ça. On embrasse tous les Auxerrois qui nous écoutent, oui, évidemment. D'ailleurs, j'adorais le tournage à Auxerre et c'est une ville magnifique. Et j'ai pas d'action là-bas, c'est juste, c'est très joli. Je vous recommande. Voilà. Bien évidemment, le chèque sera versé à l'office local du tourisme d'Auxerre. Voilà, vous pouvez le renvoyer directement, sinon je fais suivre, c'est comme vous voulez. Voilà, on s'arrangera. C'est... c'est vraiment des problématiques qui se répète un petit peu au fil du documentaire, mais là-bas, parler de ce qui va pas là-bas et dans une optique un peu démocratique, parce que lui, c'est son raisonnement, c'est dire qu'effectivement, c'est parfois un peu sinistré, les commerces ferment, que les services publics, c'est compliqué, qu'il faut se battre pour que les hôpitaux ferment pas, pour que la poste ferme pas, pour qu'il y ait encore des médecins, etc. Et que c'est très problématique pour les gens qui y vivent. Et eux, ils doivent se mobiliser, mais c'est aussi le rôle des médias de faire un petit peu de bruit, même si c'est en local, pour défendre. Aujourd'hui, je fais un reportage sur le centre-ville d'Auxerre et particulièrement sur une rue du centre-ville où plusieurs commerces ont fermé ces derniers mois. Cette rue Fécauderie, comment est-ce que vous l'avez vue évoluer, vous? On a vu dernièrement les commerces qui ont fermé. Ça ferme, ça fait que de fermer. Donc pour vous, les problèmes, c'est Internet? Il y a Internet. Mais je pense qu'il y a un gros malaise aussi en France générale. Et justement, donc, les commerces ferment, les services publics ferment, et la presse locale est aussi en crise. Donc, là, les républicaines, c'est pas forcément... Voilà, ils réussissent à survivre. Et pour survivre, ils doivent se réinventer. Et typiquement, là, dans le documentaire, tu montres Grégoire qui développe des podcasts audio, comme ce qu'on fait nous, là, aujourd'hui. De manière plus générale, à ton avis... Et qu'est-ce que ces jeunes journalistes qui intègrent des rédactions, parfois des grandes rédactions, parfois des rédactions plus petites, parfois d'autres choses, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux médias pour lesquels ils travaillent? C'est une vaste question. Mais absolument. Mais c'est intéressant d'avoir déjà l'exemple de Grégoire qui, lui, justement, va apporter, là où on sort un petit peu de la pure presse écrite, pour proposer des podcasts. Il faut qu'on trouve d'autres manières de raconter nos histoires. On a commencé les podcasts quand je suis arrivé, parce que c'était un format qui me tenait très à cœur. Bonjour, vous écoutez Tant qu'on a la santé, un podcast de Lyon Républicaine. Je suis Grégoire Moll. Dans cette série documentaire, nous explorons la thématique de l'accès aux soins en milieu rural à partir d'un événement récent, la menace de fermeture qui a pesé sur les urgences de nuit de Tonnerre il y a quelques mois. Ouais, bah exactement. Alors en fait, après, il y a un débat sur qui est-ce que ça touche vraiment les podcasts et est-ce qu'on reste encore dans un truc CSP+, des grandes villes. Ça, c'est un gros débat, j'ai pas tous les éléments, mais on se demande encore à quel point ça touche de nouveaux publics. Mais en tout cas, ces formats-là, ça vaut le coup de les investir. Tu vas avoir YouTube comme Aude, ça peut être un pari. Après, de manière plus générale, je pense que tout ce qui est vidéo pour le web, t'as un regard frais qui est en grande partie apporté par les dernières générations et dont il y a besoin. Ça, c'est sûr. En réalisant ce documentaire et en suivant ces jeunes journalistes, qu'est-ce que tu as appris, Joséphine ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ? Ou pas, d'ailleurs ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Je pense que... Prends ton temps. Ce que je peux te dire avec certitude ? Attends, je réfléchis un petit peu à ta question. Vas-y, réfléchis, puis on coupera et on refera la réponse. Toute propre, comme si elle venait de partir. Parfait, genre spontané, comme ça. Hop. Exactement. Ça m'a pas tant appris des choses en termes de contenu sur la profession ou des nouvelles notions, etc. Parce que globalement, c'est des codes qu'on partage, mais ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait se battre pour le boulot. Je pense que c'est essentiellement ça, c'est-à-dire que d'une certaine façon, je les ai aussi choisis pour ça, parce qu'ils ont de la force et de la conviction et envie d'en parler, mais je pense qu'ils m'en ont donné aussi. Ça fait boule de neige, ça a remotivé tout le monde, il y en a certains qui m'ont dit au terme du processus que ça les avait remotivés dans leur travail, en fait, et qu'ils repartaient avec plus d'énergie qu'avant pour le faire et pour se battre un petit peu, quoi. C'est surtout ça, je pense. Je peux te demander c'est quel journaliste, si c'est pas indiscret, sinon tu peux garder. Je pense que Guillaume m'a dit ça. Ouais. Ensuite, en dehors de ça, ils m'ont dit plusieurs fois que je pense que Grégoire m'a dit ça aussi, ou en tout cas que c'était très bénéfique de se poser des questions sur son boulot et que finalement on ne prenait pas forcément le temps de le faire, même nous en tant que jeunes avec des dilemmes de jeunes qui essaient de s'adapter à leur monde professionnel, on est tellement pressé souvent qu'on ne prend pas forcément le temps de prendre un peu de recul et de se poser des questions sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et lui, il m'a dit que c'était extrêmement motivant de le faire et de prendre ce temps-là. Et de manière plus générale, ouais. Jules aussi m'a arrêté aussi pour me dire que ça faisait quand même vachement plaisir de parler de son boulot, quoi, finalement. Eh bien, justement, parlons de Jules, qui est journaliste au sein du collectif Forbidden Stories. Forbidden Stories, c'est un réseau de journalistes d'investigation un peu partout dans le monde, dont l'objectif est continuer le travail de journalistes qui ont été emprisonnés, censurés, condamnés à l'exil ou assassinés. Et donc, on se réunit tous ensemble et on essaie d'enquêter sur la mort d'un journaliste et de continuer son travail. Et le but, c'est de révéler ces histoires que certaines personnes ont essayé de réduire au silence. Déjà, comment est-ce que Jules il a rejoint ce collectif-là ? Comment est-ce qu'il a participé ? Jules il a participé à ce collectif-là parce qu'auparavant, il travaillait pour Première Ligne, hein, qui est une société de production que tu connais peut-être. Qui produit notamment Cache Investigation, je crois. Voilà, exactement. Et globalement, déjà de l'investigation bien solide, quoi. Donc, c'est là-bas qu'il a rencontré Laurent Richard qui a fondé Forbidden Stories, qui a eu l'idée du projet et qui a lancé le truc. En fait, c'est Jules la première personne qu'il a appelé quand il a monté ça pour travailler avec lui. Donc, il a vraiment été dans les bâtisseurs de ce projet-là qui a peut-être 3 ou 4 ans, à peu près, c'est quelque chose 2016, comme ça. 2016, je crois. Hein, 2016, c'est... voilà. Ouais. Et donc, du coup, il participe à la création. Et lui, c'est quoi son objectif ? Alors, il en parle dans le documentaire, hein, mais... Son objectif, lui, on est vraiment au cœur de les médias qui ont un pouvoir démocratique ou qui devraient en avoir un ou auxquels on souhaiterait d'en avoir un. C'est-à-dire que si tu fais bien ton travail et que tu creuses vraiment, parce que là, on est dans du journalisme, dans le sens l'enquête, aller déterrer des choses que certains acteurs veulent cacher et les mettre dans le débat public. Si tu arrives à faire ça et à exposer certaines actions, certaines personnalités, ça permet déjà au public de savoir ce qui se passe et donc de prendre ses décisions en termes de vote, en termes de consommation, qu'est-ce que tu achètes, à quelle entreprise par exemple aussi. Ouais. Et ça permet aussi parfois au débat politique et à la justice d'examiner des problèmes, voire de punir. Ou en tout cas à la justice de faire son travail. Donc, si tu apportes assez bien et des infos assez complètes sur certains sujets dans le débat public, ça peut amener à des vraies conséquences et parfois à des améliorations concrètes de la situation ou à la fin de certains agissements. Et ça fait 7-8 ans que je fais de l'enquête, de l'investigation. Et je pense qu'il faut être assez humble sur l'utilité qu'on peut avoir, parce que c'est rare qu'une enquête change complètement la face du monde. Mais on peut petit à petit essayer de changer un peu les mentalités, expliquer des choses aux gens, ou essayer de changer un peu un état de fait dans un endroit du monde. Donc ça, c'est un tout petit pas, mais c'est ça aussi qui motive. Alors justement, par rapport à ça, il est quand même assez relatif, on va dire, sur l'impact qu'il peut avoir. Hein. Est-ce qu'à un moment, on n'a pas peut-être envie de se dire « je fais tout ça, je fais toutes ces enquêtes, je révèle des choses, mais ça ne va pas changer la face du monde aujourd'hui ?» Bah écoute, ouais. Je pense que ces moments de découragement, il doit en avoir, mais ils sont assez rares, de ce que j'en comprends. Et je peux prendre le contre-pied de ce que tu viens de me dire, parce que justement, là, dernièrement, on a reparlé de Malte et du meurtre de Daphne Caruana Galizia, donc qui était une journaliste d'investigation maltaise qui a été tuée pour ses enquêtes et qui a été un des sujets précédents de Forbidden Stories, oui. qui avait donné lieu à pas mal d'enquêtes, contre-enquêtes, reportages. Et ces derniers mois, là, je pense que c'était le mois dernier, on a commencé à avoir une traduction politique à tout ça, c'est-à-dire qu'une partie du gouvernement maltais a été mise en cause et il y a eu des démissions suite à ça. Ouais. Voilà, donc là, en l'occurrence, tu as des conséquences politiques et probablement judiciaires directes à leur travail. Donc je pense que là, justement, on est sur un des cas les plus flagrants qu'on puisse vivre en tant que jeune journaliste de « mon travail n'a pas servi à rien ». Donc je pense que, a priori, Jules, il est plutôt optimiste de nature dans son travail, mais il pourra s'accrocher à celui-là pendant quelques années quand il a besoin d'un petit boost, probablement. une grande fierté pour lui. Ce qui est intéressant aussi dans ce projet-là, dans ce projet-là Forbidden Story, c'est que, on va dire bien loin du reporter qui fouine tout seul, ce qui est mis en avant, c'est qu'il y a beaucoup de partage, et c'est l'association de plusieurs médias pour partager des infos, des interviews, des leaks, des documents qui ont fuité. Comment est-ce qu'il travaille justement pour partager ces informations-là efficacement? C'est évoqué un peu dans le documentaire. Ah oui, bah après je vais pas tout te dire parce que justement c'est de l'investigation, donc on raconte pas trop le détail de comment ils bossent. Mais en gros, c'est cette façon de bosser en réseau, c'est quelque chose qui est en train de se développer et je pense qu'on peut s'en réjouir, en tout cas lui s'en réjouit, et parce que ça donne lieu à un boulot qui a vachement plus d'ampleur qu'auparavant, mais c'est évidemment facilité par les moyens modernes. Tout simplement, c'est juste que maintenant, tu as les outils pour pouvoir faire tout ça et pour le faire de manière assez sécurisée. Donc ça veut juste dire, en l'occurrence, ça veut dire que ceux qui coordonnent tout ça, comme Jules, bon, ils ont leur téléphone greffé à leur main en permanence, parce que c'est beaucoup, beaucoup de concertations, de groupes de travail, etc. Ils sont tout le temps en contact. Après, en dehors de ça, ça nécessite aussi de tout crypter et d'avoir des dispositifs particuliers pour qu'il y ait beaucoup d'échanges, mais que cela soit sûr. Et justement, ça n'a pas posé de problème de le suivre dans ces enquêtes-là. Ce que tu peux remarquer, ce que ceux qui regarderont remarqueront probablement, c'est que c'est un des épisodes où, d'une certaine façon, il se passe le moins de choses. Alors j'espère qu'on se fait pas chier en le regardant, mais non. Il se passe pas grand chose parce que en fait, pour des raisons de confidentialité, on n'allait pas partir en Inde avec eux alors qu'ils risquaient leur vie. Enfin, c'était de toute façon même pas envisageable de les suivre là-dessus, parce qu'on peut pas faire fuiter ça, on peut pas les mettre en danger et on peut pas mettre les sources en danger. Donc en gros, cet épisode, il a été tourné à la toute fin de leur enquête, qui était à peu près un an de travail. Le dernier jour, il est parti en vacances le lendemain et même le soir même. Et il a repris des choses pour nous, tu vois, sur une enquête qui était en train de sortir. Donc il nous a raconté ce qu'il a fait. Et il y avait effectivement un coup de fil qu'on a filmé, mais sans info extrêmement confidentielle. Mais pour le reste, c'était un sujet qui était plutôt froid, où il nous racontait les mois passés, quoi. Donc là, la personne qu'on voit sur ce lit d'hôpital, c'est Jagendra Singh, un journaliste indien. Il enquêtait sur plein de dossiers, et notamment un extrêmement sensible en Inde, qui est la mafia du sable. Il essayait de prouver qu'un ministre local était engagé dans l'exploitation illégale de sable en Inde. Et peu de temps après avoir écrit un article, il est retrouvé avec 60% de son corps brûlé. La thèse officielle, la thèse de la police, c'est qu'il s'est suicidé, il s'est immolé lui-même. Et nous, notre enquête pendant 6 mois, ça a été d'essayer de prouver qu'en fait, il ne s'est pas immolé, mais que des policiers et des hommes de main du ministre lui auraient mis le feu pour essayer de le faire taire. Et justement, hein, tu dis qu'il y a des enjeux, il y a des vrais problèmes de sécurité. Dans l'affaire de la mafia du sable, il y a eu 4 journalistes assassinés. Oui. Et quand il s'est rendu en Inde avec un de ses confrères, oui, ils ont été repérés, menacés par la police. On voit, je crois, des affiches où c'est marqué « Tuez-le ». Ouais, c'est des photos d'eux. D'ailleurs, c'est les premières photos d'eux qu'on trouve sur Google Images. Donc voilà, ils ont pris les premières, ils ont fait une petite affiche sur « Tuez-les ». Et puis voilà. Et puis ils ont été suivis partout, ils ont dû quitter le pays en urgence. Quelques heures après les premiers appels de sources qui leur disaient « Attention, quelqu'un vous cherche », ils ont décollé, ils sont partis. Et aujourd'hui, ils peuvent pas, son collègue Arthur et lui ne peuvent pas retourner en Inde pour le travail, ça c'est sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait d'être suivi, le fait que la police s'intéresse à eux, ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser. Et donc, exactement, ça démotive encore plus à enquêter. Oui, mais de toute façon, de manière générale, souvent dans ce boulot-là, t'es quand même content quand des gens t'expriment que tu les déranges. C'est pas toujours justifié selon ton sujet, mais quand quelqu'un est pas ravi de ta question, souvent c'est que c'était une bonne question. Là, c'est ça, c'est ça, mais de manière plus marquée. D'accord. Et ce qu'il explique, je vous fais pas tout le film, mais bien sûr, ce qu'il explique, c'est que justement, là, c'est le signal que c'est quelque chose d'important, et parce qu'ils sont en réseau, quelqu'un d'autre va aller en Inde pour continuer. Donc le fait que eux soient persona non grata là-bas, ça met pas fin à l'enquête. Et c'est tout l'intérêt justement de ce collectif. Alors à la fin des reportages, tu montres le salaire des différents reporters, à part celui de Jules, ouais, je crois pas. Pourquoi est-ce que tu montres les salaires, ouais, et pourquoi est-ce que tu ne montres pas celui de Jules, justement, de Forbidden Story? Alors, donc en deux volets, donc pourquoi est-ce qu'on les montre? Il y a deux motivations à ça. Oui. La première, c'est que qu'un des flous et une chose qui fait un peu fantasmer sur la profession, ça serait l'idée qu'on soit, c'est, tout le monde le pense pas, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut entendre, qu'on soit une sorte de caste de Parisiens qui ont fait des hautes études et qui mangent avec les politiques et qui gagnent beaucoup d'argent. Je pense que c'était pas mal de remettre des repères, enfin en tout cas là d'être un peu transparent sur ce qu'on fait, ce qu'ils ont fait comme études, ce qu'ils gagnent. Et d'ailleurs on voit que c'est assez différent parce que selon les cas, ça va être du 1600 net ou du 3000 net. Et c'est pas exactement pareil. Personne n'est milliardaire, personne n'est dans la misère, mais c'est pas la même réalité. Quand tu vis à Paris, dans les deux cas, ça permet pas la même vie. Mais en tout cas, je pense que ça permet de... de rendre ça concret et puis de casser un peu certaines idées reçues sur comment on vit. Mais en dehors de ça, c'était aussi parce que cette série, elle est à la base dans un but éducatif, d'éducation aux médias. Elle va passer... auprès de lycéens qui ont un âge où certains peuvent se demander s'ils veulent faire ce boulot-là ou pas. Ouais. Donc, c'était une forme de bonus, un petit peu conseiller d'orientation, mais on leur donne les infos juste quelles études ont fait ces gens, qu'est-ce qu'ils gagnent aujourd'hui, est-ce que vous projetez là-dedans ou pas. Mais on mettait ça à disposition. Donc, voilà les deux raisons. Le petit côté ONICEP. Exactement, c'est ce que je disais l'autre fois, c'est le petit côté de la minute ONICEP, quoi. 15 secondes à la fin, ça coûte pas cher, c'est écrit, vous avez les infos. En dehors de ça, pourquoi Jules ne donne pas son salaire? Je t'invite à lui demander, mais il ne voulait pas le communiquer. D'accord, très bien. Ok, c'est un choix de sa part. Voilà. Donc tu viens de le dire, les portraits s'adressent à des collégiens, des lycéens. Comment est-ce qu'on s'adresse à des lycéens et des collégiens dans la construction du documentaire, dans le portrait? Comment est-ce que... En fait, pour être tout à fait honnête, moi j'ai hâte que les interventions dans les classes se passent pour avoir des retours et pour savoir d'ailleurs si j'étais un peu à côté de la plaque ou pas dans la manière de leur parler. Parce que je peux te dire quelles étaient les intentions, mais est-ce que ça va vraiment atteindre son but? Alors justement, les intentions, c'était une forme relativement moderne, ou en tout cas pas être dans du reportage classique avec le commentaire et puis des séquences, mais un petit peu essayer de pas être trop attendu. Et c'était de se marrer en le faisant. Là pour le coup. C'était de se faire plaisir avec des codes qui sont, toute proportion gardée, parfois un peu plus des codes de clip ou des codes de série, de fiction, que des codes de télé classique. Ça va être par exemple... en fait, c'est très clippé, si tu regardes, ça va être utiliser plein de ralentis, utiliser beaucoup de musique, mettre de l'électro, utiliser beaucoup de gros plans et puis ce qu'on appelle des faibles profondeurs de champ, c'est-à-dire ton personnage, tu le vois de très près, tout est flou autour de lui, donc tu te sens un petit peu dans sa tête, jouer avec les ambiances, les éclairages et tout. Enfin voilà, on pouvait s'amuser un petit peu. Donc il y avait ça. Et ensuite, il y avait quelque chose sur... Et puis le rythme, des montages un peu hachés, mais bon, je vais pas te faire un truc trop technique non plus peut-être, mais voilà, l'idée c'était de s'amuser là-dessus. Et ensuite, il y avait quelque chose sur le ton. C'était déjà de laisser les six jeunes journalistes là se raconter et pas le faire à leur place. Donc ça veut dire faire du sans commentaire. En fait, c'est une longue voix off qui raconte, qui est leur voix en interview. Et donc c'est eux qui construisent l'histoire avec leurs mots, mais il n'y a pas de commentaire ou de texte qui disent ce qu'ils pensent à leur place. Ça, c'était important. Et parce que ça contribue à une certaine liberté de ton, c'est-à-dire que ils se racontent tel qu'ils le pensent, mais aussi des fois ils se racontent avec des gros mots, des tu vois, ils s'arrêtent, ils rigolent, ils hésitent, etc. Et c'était de garder tout ça pour que ce soit assez proche de la personne qui sont hors caméra et même hors travail, quoi. Et ça, le pari, c'est que on les voit en tant que jeunes au lieu de les voir que en tant que la fonction de journaliste. On voit leur passion, en fait. C'est ça que tu... On voit leur passion et ils sont peut-être plus proches. On se rend compte un peu plus comme ça qu'ils sont proches en âge du public auquel ça s'adresse. Et alors voilà, moi, je pourrais être honnête, moi, j'ai regardé le documentaire sans savoir qu'il s'adressait initialement à des collégiens et des lycéens. Ouais. Ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, ce qui permet aussi de se rendre compte d'autres choses. Est-ce que finalement, à la fin du documentaire, selon toi, est-ce que ça donne envie de devenir journaliste à des collégiens et des lycéens ou pas? À mon avis. Moi, je sais pas, je me dis que ça va les décourager quand même un peu, les pauvres. Je pense que peut-être ça va nous rendre un peu plus sympathiques ou en tout cas un peu plus nuancés. Ça va un peu nuancer la vision qu'on peut avoir de nous, mais je sais pas. Je pense que ça donne l'effet d'être une grosse galère quand même, non? Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, ça te donne envie ou pas? Moi, personnellement, mon ressenti, c'est que ça te donne pas très envie de travailler pour des grands médias. Tu vois, ça donne pas. Je pense que pour. Surtout BFM TV, c'est pas forcément une très bonne publicité. Ouais. Après, pour peut-être des médias plus comme Forbidden Stories ou Reporter, on a l'impression qu'il y a vraiment, voilà, vraiment cette cohérence-là qui se retrouve et le fait d'être en adéquation avec ce qu'on pense et avec ce qu'on fait. Et ce qui est intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que justement tu disais détester pour l'interrogation. Ouais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ça va être détesté par rapport au public. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi détesté par rapport à la profession. Et aussi par rapport à son milieu, à la profession, par rapport à son milieu social, et par rapport aux institutions politiques, économiques, lobby, mafia, etc. Ouais, absolument. Donc finalement beaucoup d'ennemis. Ouais, beaucoup d'ennemis, mais bon après voilà ce qu'on traite pas complètement dans le documentaire, c'est qu'évidemment on a des amis aussi, ou en tout cas, enfin, on se fait pas cracher dessus en permanence toute la journée, il y a pas que ça. Sinon, peut-être qu'on arrêterait, sachant que c'est un métier de contact aussi. Donc, ouais. Tu fais ça aussi parce que tu as envie d'interagir. A priori, pour aucun de ceux-là, et pour moi non plus, c'est 100% négatif, ces interactions avec l'extérieur, quoi. Et heureusement. Oui. Mais on aimerait que ça soit un peu plus apaisé, probablement. Après, je peux te dire une chose sur est-ce que ça donne envie ou pas, qui m'avait un petit peu amusée. C'est que quand j'étais en montage de l'épisode sur Guillaume, donc qui était le premier chronologiquement, c'était le premier à être terminé. Oui. On avait un stagiaire de troisième qui, s'il écoute ça, je l'embrasse parce que merci à lui pour son aide. Mais en fait, qui a été le premier panel de la série et qui regardait la première version avec nous. Et, donne-nous ton avis, quoi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu t'emmerdes, etc. Et lui, il l'a regardé et il a dit, entre autres, il a dit, moi, je trouve que ça donne envie de faire son travail. Ou en tout cas, je sais que... Enfin, ça a l'air compliqué et puis ça n'a pas l'air parfait, mais je sais que moi, il y a plein de potes à moi, quand ils vont le regarder, ils vont dire, ça a l'air trop cool. Alors là, j'étais un peu désarçonnée parce que je ne m'attendais pas à ça. Et je pense que lui, ce qu'il me disait surtout, c'était... quand t'es reporter à BFM comme ça, tu bouges, il y a de l'adrénaline, tu sors, tu vois plein de trucs, tu cours partout, donc ça a l'air excitant en fait. Il y a un petit côté cow-boy. Donc c'est pour ça que je te dis, j'ai hâte de savoir comment ça va être reçu dans les classes, parce que je pense que ça sera probablement souvent à rebours de ce que je pouvais attendre, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, voilà, lui, il pense qu'il y a de l'action, mais après, dans les autres épisodes, il n'y a peut-être pas forcément de l'action dans tous les... Non, c'est pas principalement, c'est pas ça. Au tournage, parce que tu vois, par exemple, Jules, il y a eu de l'action, mais simplement, on ne pouvait pas y être, quoi. Ça, c'est aussi les contraintes du contexte de production de ce que moi, je faisais, quoi. Est-ce que ce projet-là, est-ce que, là, du coup, il va être projeté dans des collèges, dans des lycées, est-ce qu'il y aura une suite à ce projet, ou pas? Ou est-ce que ça... Pas de suite prévue, pas de suite prévue. A priori, c'est fini pour détester. Il y aura peut-être aimé pour interrogation dans la saison 2. Bah, écoute, j'aimerais avoir la matière bientôt pour en faire 6 épisodes, mais je sais pas si c'est le cas pour l'instant. Pas aujourd'hui. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Joséphine. Je pense qu'on a fait le tour, on a vu beaucoup de choses. Je t'avais dit une demi-heure, on est à une heure. Donc... Non, bah, très bien, merci à toi, merci pour tes questions. C'était très intéressant, on a appris plein de choses et du coup, on vous incite. Alors, si vous êtes au collège et au lycée, si vous êtes professeur dans des collèges, dans des lycées, à utiliser cette matière-là. Voilà, absolument, parce qu'un truc qu'il faut rappeler, c'est que c'est, cette série, maintenant, l'ESJ et TSVP, donc la société de production, invite ceux qui le souhaitent à la réutiliser. Donc, en allant sur le compte YouTube de l'ESJ Lille, vous pouvez télécharger les vidéos et les utiliser comme support éducatif, notamment. Eh bien, on incite en tout cas à regarder, à vous faire votre propre opinion aussi sur le métier de journaliste, si ça vous intéresse. Si vous avez aussi l'impression que les journalistes sont tous des gens surpayés, qui passent leur temps à cracher sur les gilets jaunes, ça n'est pas ça. Loin de là. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite d'Open By sur News FM. Merci beaucoup, Joséphine. Merci, Amine. Et merci à vous, les auditeurs qui nous écoutez, où que vous soyez, partout dans le monde. Écoutez, commentez, partagez. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Si cela ne vous a pas plu, n'hésitez pas à le commenter. Et on vous donne rendez-vous très bientôt. Des bisous à vous, les amis.